ne sais pas si le diable a déjà volé quelque chose chez toi. Mais je prophétise sur toi maintenant que peu importe ce qui a été volé, cela va être restauré entièrement. Merci d'écouter cet enseignement de Creflo et Ta Fille Dollar. Notre but est d'apporter une compréhension de la grâce de Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagée avec savoir et simplicité, et laissez-la changer votre vie. Maintenant, souvenez-vous, le salut n'est pas uniquement la nouvelle naissance. Le salut a pour origine le mot grec « sozo ». Et pour cela, le nom de mon message ce matin, c'est « sozo ». Le salut a pour origine le mot grec « sozo ». Et ce mot grec est défini. Il a cette traduction « nouvelle naissance ». Il est aussi traduit « guérison ». Il est aussi traduit « délivré du jugement ». Il est aussi traduit « plénitude ». Il est aussi traduit « tout le travail terminé de Jésus ». En d'autres mots, « tout ce qui a besoin d'être restauré en vous ». Voilà ce que « sozo » veut dire. Ce n'est pas seulement naître de nouveau, ce n'est pas seulement la prospérité, ce n'est pas seulement la guérison, ce n'est pas seulement la sainteté, ce n'est pas seulement la protection. C'est tout ce qui peut être manquant. Sozo, c'est la formule complète du salut qui est venue à vous par la grâce. Et si vous le croyez, vous pouvez marcher dans la manifestation de ce que Jésus a déjà fait. Si vous comprenez cela, dites Amen. Maintenant, commençons. Galates au chapitre 1 et verset 4. Maintenant, lisons le verset 4 ensemble. Vous êtes prêts? Lisons. « Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. » Maintenant, notez bien que c'est Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés, absolument. Mais ce n'est pas limité ici. Quand Jésus a donné sa vie pour nos péchés, ce n'était pas seulement ça. Mais il dit que c'est afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et notez bien qu'il n'a pas dit qu'il allait nous délivrer du malin dans le monde qui vient. Vous savez, les gens disent, oui, quand la tribulation viendra, Dieu viendra nous délivrer du malin qui vient dans le monde. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit qu'il va vous délivrer de ce présent siècle mauvais. En d'autres mots, il est prêt à vous délivrer des problèmes de tous les jours. Il est tellement pertinent qu'il dit « Je suis préparé à te délivrer de tous les problèmes de ce monde, du mauvais et du présent siècle mauvais, du présent siècle mauvais, le mauvais d'aujourd'hui. » Hallelujah! Combien d'entre vous connaissent le mauvais d'aujourd'hui? Et Jésus est vraiment pertinent dans ce fait car il s'est engagé à vous délivrer du présent siècle mauvais. Il est prêt à vous délivrer des problèmes financiers que vous rencontrez, des problèmes physiques que vous rencontrez, des problèmes de relations que vous rencontrez et de ces trucs qui vous arrivent. Vous savez que des trucs stupides vous arrivent. Il dit « Je suis déjà prêt à vous délivrer de ces problèmes stupides ». Maintenant, souvenez-vous de ce que Hébreux 10, chapitre 2 dit. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? En d'autres mots, comment tu vas échapper à la maladie si tu négliges ce que le sang de Jésus t'a donné en ce qui concerne la guérison? Comment est-ce que tu vas échapper à ce stress émotionnel si tu négliges la paix et la joie qui sont venues par le sang de Jésus? En d'autres mots, bien que Jésus se soit déjà engagé à vous délivrer du présent siècle mauvais, si vous négligez ce que le sang de Jésus a déjà rendu disponible, comment échapperez-vous? Comment vous allez sortir de ce présent siècle, ce siècle mauvais, et vous négligez de, premièrement, reconnaître ce à quoi pourvoit le sang de Jésus? Et deuxièmement, vous négligez de croire ce à quoi pourvoit le sang de Jésus. Regardez ça maintenant. Laissez-moi dire encore. Négligez ce que le sang de Jésus a pourvu. Numéro 1, vous ne faites pas attention, vous ne le reconnaissez même pas. Comment échapperez-vous si vous négligez? Donc premièrement, qu'est-ce que le sang de Jésus a fait? Deuxièmement, j'ai besoin d'avancer et de connaître et de croire que c'est disponible pour moi. Et maintenant commence le numéro 3, à le manifester dans votre vie. Nous ne sommes pas seulement sauvés de l'enfer. Nous ne sommes pas seulement sauvés de nos péchés. Et nous ne sommes pas seulement sauvés du jugement à venir. Mais Jésus est aussi venu pour nous délivrer. Il est venu nous protéger. Il est venu pour pourvoir à nos besoins dans ce monde physique maintenant. Souvenez-vous de ce qu'il dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La Bible amplifiée dit que par la grâce, vous êtes délivrés du jugement et rendus participants du salut en Jésus-Christ. Par la grâce, ce qui n'est ni mérité ni gagné, c'est une faveur. Vous n'avez rien fait pour être sauvés. Rien de ce que vous faites ne vous qualifie pour être sauvés. Mais c'est par sa seule faveur, par grâce, vous avez été favorisés par Dieu pour être délivrés de la punition qui vous était due à vous. Alléluia. Et vous avez été rendus participants du travail terminé de Jésus-Christ. Et il a fait ceci par grâce. Mais il faut que vous croyiez. Vous devez le croire, car je peux vous parler toute la journée à propos de ce que la grâce vous a donné. Mais il faut que, un jour, il faut que vous soyez à un stade où vous dites « Je sais ce que Jésus a fait pour moi, je reçois ça au nom de Jésus, et tu saisis ce que Jésus a déjà rendu disponible pour toi. » Tu prends ta délivrance, tu prends ta guérison, tu prends ta santé, tu prends toutes les choses que le sang a rendues disponibles, alléluia, et tu le reçois par la foi, et tu commences à marcher, et tu commences à parler de ça, et tu commences à rendre grâce à Dieu pour ça, tu vois. C'est comme ça que nous recevons. Nous recevons en répondant à la manière dont nous devons répondre. Donc, il y a un mot qui englobe tout ce que Jésus a fait pour nous. Et ce mot est un mot grec, sozo, S-O-Z-O. C'est un mot grec qui signifie, c'est traduit salut, c'est aussi traduit sauve, sauvé, guéri, c'est traduit restauré, et c'est même traduit délivré des forces démoniaques. Et le mot sozo est aussi est traduit être restauré entièrement. Donc peu importe le domaine dans lequel vous avez besoin de restauration, sozo signifie cela. Amen. Donc Jésus a guéri, Jésus a délivré, Jésus nous a pardonné de tous nos péchés, Jésus a pourvu à toutes les choses dont nous avons besoin dans cette vie, Jésus nous a rendus saints, Jésus nous a entièrement restaurés, Jésus a pourvu à la protection pour nous. Jésus s'est engagé à nous restaurer. Peu importe ce qui peut nous manquer, peu importe ce qui peut être brisé, il dit « Je suis engagé dans ta vie sur cette terre si tu ne me négliges pas. » Amen. Donc le mot qui englobe tout ceci et tout ce que le sang de Jésus a rendu disponible pour nous est le mot grec « sozo ». Donc, nous allons étudier ce mot grec « sozo » aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible en se demandant toujours quelles sont les choses auxquelles le sang de Jésus a pourvu. Et la religion vous dira que oui, par le sang de Jésus, vous êtes pardonné de vos péchés. Et c'est tout ce que nous avons prêché. Vous avez été pardonné de vos péchés. Et vous avez reçu le pardon de vos péchés. Mais vous n'avez pas reçu votre délivrance. Vous n'avez pas reçu votre guérison. Vous n'avez pas reçu votre prospérité. Vous n'avez pas reçu votre sainteté. Vous n'avez pas reçu votre protection. Et vous n'avez pas reçu votre droit d'être restauré dans toutes les choses qui manquent dans votre vie. La question est, qu'est-ce qui manque dans votre vie? Et Jésus dit que son sang vous a sozo. Tourne-toi vers ton voisin et dis sozo. Oui. Maintenant, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, je dois vous amener à l'école ce matin. Vous n'allez pas avoir ce gars qui crie et qui fait des pirouettes. Je ne vais pas venir vers vous en faisant « sozo ah. ». Oh non, on ne fera pas ça. Nous devons aller dans la parole et voir comment c'est traduit. Donc, « sozo » est utilisé plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui englobe un mot pour le salut. Et ce mot est souvent conjugué « sauve » ou « sauver ». Donc notre salut inclut bien plus que le pardon des péchés. Sozo, pardon des péchés. Et nous voyons une traduction pour le pardon des péchés. 38 fois, cela fait référence au pardon des péchés quand on utilise le mot « sauve ». Regardons ces trois versets rapidement. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Donc je vais prendre un mot grec, donc je vais vous montrer les différentes manières dont ce même mot grec est traduit dans la langue française. Comme ça, vous saurez que quand nous dirons que le sang de Jésus a pourvu à notre prospérité, que le sang de Jésus a pourvu à notre guérison, que le sang de Jésus a pourvu à notre délivrance, vous saurez d'où cela vient. Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui, quoi ? Sauvera son peuple de ses péchés. Ce mot « sauver » est traduit du mot grec « sozo ». C'est lui qui sozo son peuple de ses péchés. Donc à cet endroit, le mot sozo parle de la délivrance des péchés. Maintenant, allez dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Remarquez encore. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver, regardez le mot, sozo, sauver les croyants par la folie de la prédication. Et ici, c'est traduit sauver du mot grec sozo, ce qui fait référence ici à sauver de leur péché. Et maintenant, Hébreux chapitre 7, verset 25. Regardons Hébreux au chapitre 7 et au verset 25. C'est une de ces choses que vous devez savoir afin que vous compreniez quand vous m'entendez le dire. Si vous ne reconnaissez pas ou si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, alors vous aurez des gens qui ne connaissent pas la Bible qui vous diront « Il n'y a pas de passage dans la Bible qui dit que Dieu nous a délivrés. » Il n'y a rien dans la Bible qui dit que Dieu nous a guéris. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que Dieu te fait prospérer. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que Dieu te donne un esprit saint. Et pourtant, je suis sûr que tout est contenu dans le mot « sozo ». Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver, et cela vient du mot « sozo ». Il est capable de les « sozo », il est capable de sauver. Sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et donc ce mot « sauver » vient du mot grec « sozo », qui parle de la délivrance des péchés. Il parle du pardon des péchés, excusez-moi. Maintenant, « sozo » a été traduit 53 fois « sauver », c'est au passé. Ce que l'on vient de regarder, c'est « sauve », mais maintenant c'est traduit 53 fois dans le Nouveau Testament, au temps passé, « sauver ». Mais toutefois, on peut voir que ce même mot grec a parfois été traduit « guéri ». Et là, on est sur le point de voir que le même mot grec « sozo », qui a été traduit « sauve », qui a été traduit « sauve », et cette fois-ci, il va être traduit « guéri ». Regardez Marc, chapitre 5, verset 23. Donc, lorsque vous voyez le mot « salut », c'est le mot grec « sozo ». Donc, vous ne pouvez plus limiter ce mot à la rédemption ou au « sauve » ou seulement être né de nouveau ou seulement être pardonné de vos péchés. Vous devez reconnaître, il est traduit pour toutes ces choses. Regardez Marc 5, verset 23. Et le verset 25 dit ceci. « Et il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit quoi ?» C'est le mot grec « sozo ». C'est le même mot grec qui est utilisé pour être sauvé. Et là, ce mot est utilisé pour dire être guéri. « Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sozo et qu'elle vive. » Et donc, une part de ce forfait sozo, une part de ce forfait du salut. Donc, nous avons dit que la nouvelle naissance est une part du forfait du salut sozo, que d'être sauvé ou pardonné de ses péchés, c'est une part du forfait du salut sozo. Et maintenant, c'est guéri qui est une part du sozo, forfait du salut. Imaginez ce que vous avez manqué, venant à l'église toute votre vie en entendant que le salut, et automatiquement vous admettez que ça veut seulement dire nouvelle naissance. Mais là, vous venez à l'église et je vous montre que ce mot salut vient du mot sozo, qui veut dire né de nouveau, sauvé, guéri et pardonné de vos péchés. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, regardons Luc, chapitre 8, verset 36. Cela s'applique aussi, Luc, chapitre 8, verset 36. Et le verset 36 dit ceci. « Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Donc il dit que l'homme possédé par un démon a été guéri. Devinez d'où vient ce mot guéri. Sozo. Donc ça s'applique aussi à la délivrance des esprits démoniaques. Oh, je parie que vous n'avez jamais entendu ça dans l'église, délivrer des démons, quoi. C'est quoi ça? C'est l'exorcisme? Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison, moi. Mais il y a un sozo prêt pour quel que soit le démon qui viendrait dans ta maison. Donc une part de ce forfait est, si il y a un démon quelque part, le sang de Jésus a pourvu dans le forfait du salut à la délivrance des démons. Et c'est votre droit dans le sang de chasser des démons au nom de Jésus. Actes chapitre 14, versets 8 à 10. Waouh, on vient à l'église, on lit des versets toute la journée. Ça vous fera du bien. Ouais, et toi, ce que vous recevez, c'est quoi? La compréhension. Actes chapitre 14, verset 8. À Lystre se tenait un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Cet homme impotent qui n'avait jamais marché. Comment Jésus peut être pertinent dans la vie d'un homme qui n'a jamais marché? Regardez ça. Fixant les regards sur lui. Il est dit, il écoutait Paul parler. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, voyant qu'il avait la foi, vous savez d'où vient ce mot guéri? Il avait la foi pour être sozo. Il avait la foi dans le forfait du salut. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, verset 10, et dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha, parce que c'était disponible pour lui. Car sozo était disponible pour lui. La guérison était disponible pour lui. La délivrance était disponible pour lui. Le pardon des péchés était disponible pour lui. La nouvelle naissance était disponible pour lui. Mais ce jour, il avait besoin de cette part de sozo, la guérison. Un autre jour, il a eu besoin d'une autre part de ce sozo, le pardon des péchés. Un autre jour, il a eu besoin d'une autre part du sozo, délivrance des démons. Maintenant, Luc chapitre 6, versets 8 à 11. Luc, chapitre 6, versets 8 à 11. Ok, est-ce que quelqu'un est avec moi, là? J'ai remarqué quelque chose. Quelque chose est sur le point de changer. On est toujours en train de parler du forfait du salut. Comment échapperez-vous si vous négligez le sozo, ou le forfait du salut? À chaque fois que vous m'entendez dire sozo, c'est un mot grec qui est traduit par salut, qui signifie toutes les choses dont nous avons parlé jusque-là. Maintenant, regardez. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Regardez ça, verset 9. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Verset 10. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit. Et sa main fut guérie. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Ce mot « guéri » vient du même mot « sozo ». Et donc, la restauration est une part du forfait sozo. Restaurer est une part de ce forfait du salut. Donc quand Jésus est mort, qu'il a versé son sang, il vous a donné un droit du sang pour être sauvé, pardonné de vos péchés, né de nouveau, délivré des démons, guéri, et maintenant restaurer. Maintenant, vous devez comprendre restaurer, afin que vous puissiez comprendre toutes les choses qui sont rendues disponibles. Il a dit à cet homme avec la main sèche, « Étends ta main et ta main sera, regardez ça, restaurée entièrement. » C'est ce que veut dire restaurer. Restaurer veut dire toutes les choses qu'il y a dans ta vie qui auraient besoin d'être restaurées. Vous avez un droit du sang pour être restauré, non pas à moitié, mais restauré entièrement. Je ne sais pas ce qu'il manque dans votre vie. Je sais ce qu'il manquait dans la vie de cet homme, une main restaurée. Et Dieu a dit, « Sozo doit restaurer l'autre main, la main sèche, entièrement. » La question est, qu'est-ce qui dans ta vie est manquant qui aurait besoin d'être restauré entièrement? C'est peut-être pas une main. C'est peut-être pas quelque chose dans ton corps. C'est peut-être ta paix qui a besoin d'être restaurée entièrement. C'est peut-être la délivrance qu'il te faut pour te restaurer entièrement. C'est peut-être l'argent qui a besoin d'être restauré entièrement. Mais peu importe ce qui est manquant, Sozo dit, ça peut être restauré entièrement. Et je ne sais pas si le diable a déjà volé quelque chose chez toi. Mais je prophétise sur toi maintenant que peu importe ce qui a été volé, cela va être restauré entièrement. La volonté de Dieu pour ses enfants est qu'ils soient restaurés. Et il vous a donné le salut et dans le forfait du salut, tout ce qui est manquant peut être restauré entièrement. Peu importe ce qui se passe dans tes relations, ça peut être restauré entièrement. Tout ce qui se passe à propos de tes enfants peut être restauré entièrement. Écoute, s'il y a quelque chose de manquant dans la niche du chien, ça peut être restauré entièrement. Parce que ceci est le droit de tout croyant qui a reçu un si grand salut. Vous voyez où je veux en venir? Donc pour prouver ce point, c'est absolument vrai que lorsque la guérison prend la place dans le corps physique d'un homme, son corps est maintenant entièrement restauré. Parce que la guérison manquait, la santé manquait. Ok, il restaure, mais maintenant je veux que vous compreniez. La restauration n'est pas limitée à un seul domaine. Quand il utilise ce mot « restaurer », c'est toutes les choses qui peuvent manquer. Toutes les choses qui ont besoin d'être restaurées. Allons dans Luc, verset 17. Et regardez attentivement Luc 17, verset 11. Il est question des 10 lépreux. Je crois qu'il y a... Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai enseigné jusque-là? Ok. Là, vous êtes sur le point de passer à la prochaine étape et tout l'enfer est en train de trembler parce qu'ils l'ont entendu la nuit dernière. Et vous êtes sur le point de voir quelle est la puissance et l'accès que vous avez. Et il n'y a pas un autre jour où vous serez un chrétien moyen dans votre vie. Je vous dis que les jours où vous êtes moyen arrivent à leur fin. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Je vous dis que les jours où vous êtes moyen arrivent à leur fin. Vous avez toléré des choses que vous n'avez plus à tolérer désormais. Parce que lorsque vous êtes né de nouveau, Jésus est mort pour que vous ayez la rédemption, Sozo, en forfait. Dites-le fort, je reçois. Le forfait Sozo. Dites-le fort, je reçois un si grand salut. Vous êtes prêts? Lisons jusqu'au verset 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils avaient la lèpre, donc ils restaient loin. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. Fais quelque chose pour nous que nous ne méritons pas. » Nous avons peut-être mérité cette lèpre. Mais, fais quelque chose pour nous que nous ne méritons pas. Dès qu'il les eut vus, combien d'entre vous avez eu besoin que Jésus fasse quelque chose que vous ne méritiez pas? Mais il a quand même fait. Vous voyez, vous méritiez le mal, mais il vous a donné le bon, bien que vous deviez mériter le mal. Hein? Vous n'entendez pas ce que je dis. Je sais qu'il doit y avoir des choses que vous savez que vous avez faites, vous savez que vous les méritez. Vous savez que vous méritez le mal, mais Dieu vous a tellement aimé que même si vous méritez le mauvais, Dieu va vous donner le bon. Donc arrêtez de vous battre vous-même en disant « Je mérite cela parce que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû être là, et je n'aurais pas dû faire ça. » Oui. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tous autant que nous sommes, nous méritions l'enfer. Mais Jésus, au lieu de nous laisser recevoir ce que nous méritions, il est mort et il a versé son sang afin que nous ayons ce que nous ne méritons pas. Alléluia. Nous pouvons avoir la vie éternelle avec lui. Arrêtez de vous battre vous-même en pensant à ce que vous méritez. Et c'est pour ça qu'il disait, « Aie pitié de nous ». Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, quand il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et vous n'êtes pas censé aller voir le sacrificateur quand vous avez la lèpre. Donc j'ai déjà pourvu, alors voici ce que vous allez faire. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent guéris. Maintenant écoutez-moi, quand est-ce qu'ils ont été purifiés? Pendant qu'ils y allaient, quand ils ont répondu, quand ils y sont allés. Et donc vous pouvez voir ceci, que la guérison était déjà là. Mais ils avaient besoin de répondre à ce qui était déjà là. Pendant qu'ils y allaient, vous voyez, votre délivrance est déjà là, votre salut est déjà là, votre guérison est déjà là, votre argent est déjà là, votre paix est déjà là. Mais vous n'allez nulle part, vous ne faites rien, vous ne répondez pas. Et regardez le verset suivant, verset 15. L'un d'eux, se voyant, quoi ? Donc il était déjà guéri, hein ? Donc alors qu'ils allaient, ils ont été purifiés. Ils ont été guéris quand ils allaient, ils ont été guéris, ils ont été sozo quand ils allaient. Et regardez ce qui s'est passé. Celui qui a vu qu'il était guéri, il revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous recevez votre sozo, vous ne dites pas « Oh, j'apprécie, merci beaucoup ». Ce que votre sozo a manifesté, vous glorifiez Dieu à haute voix. Ce dont il vous a délivré, vous glorifiez Dieu à haute voix. Quand il vous guérit, vous glorifiez à haute voix. Quand l'argent vient, vous glorifiez à haute voix. Hallelujah! Merci Jésus. La fondation des conflits, c'est l'égocentrisme. Arrêtez de penser à vous-même, commencez à penser à Jésus et vivez libre, heureux, joyeux dans votre vie et louez votre Dieu qui prend soin de vos problèmes et regardez-le s'avancer pour s'en occuper tout de suite. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.